La fond dans les jeepos, esquive les blêmes pro. Wesh pilo, on prend le rouleau et on se tire au bord de l'eau. Mon son c'est comme la sound, ah ouais mes corps la sound. Mon corps est gagne la sound, purité sur Brigadin. Faut qu'une sans au rap down, elle en est red dingue. T'as pris un an dans les dents, ils t'ont rajouté 25. Ce soir danse la bachata, j'envoie les pas de fin. Qu'on a trop traîné à l'âge, j'ai vu le trait des baltrins. Ma vie c'est baila latino. Ça fait nous stress le boule, mais le fuego. J'en mon pétale, un loco ou la crio. Oh yo yo, fais la gamme au Al Pacino. Ça me fait de la peine, peine, ah oui, Natasha n'a ten ten. Des gestes zen zen et je n'ai plus quand je suis sur scène. Ça me fait de la peine, peine, ah oui, Natasha n'a ten ten. Des gestes zen zen et je n'ai plus quand je suis sur scène. C'est pour mes gars de Lyon même, les frères du QN. Le genre de crapule qui t'aura pas dans la promène. C'est pour mes gars de Lyon même, les frères du QN. Le genre de crapule qui t'aura pas dans la promène. Je prends les billets au style. La potion chapeau de paille. Ici l'hiver ricaille. Même en vacances à la bitaille. Prends les billets au style. La potion chapeau de paille. Ici l'hiver ricaille. Même en vacances à la bitaille. Tu veux l'argent des millions. Faut que ta place dans le milieu. Que tu joues le milliard. Il est pas à toi lève cette milieu. Et je vais rayonner. Et je vais leur rayonner. Surtout claquer pour ta gadie. T'as fait pigeonner, elle a des kilomètres, le boule à Beyoncé. Elle a pris le nume de la tête pendant que tu piançais. T'aimerais t'acheter une île à la Pablo Escobar. Mais tu fais pas des billets, que tu restes au bar. Quand t'es bleu, tu fais le gros, tu racontes des bobards. Tu dis que t'as des fois la Marbella et à l'Oré Delmar. Que tu fais les brigandes, quand t'es avec des trafiquantes. Moi, je vais prendre mon billet, direction Alicante. Une nuit, je me fais coucou, elle est fraîche sur bébé. Elle se tord le coucou, elle voit que j'ai du DP. Je vais les tuer là, elle me taille au Venezuela. Tata Gadi, elle fait des grilles, elle est bizarre comme Cruella. Prends les